18e chapitre. Comment Siegmund rentra dans son pays. Le beau-père de Kriemhild alla la trouver et dit à la reine : Nous allons rentrer dans notre pays. Nous sommes, je le pense, des hôtes peu aimés au bord du Rhin. Kriemhild, femme chérie, venez avec nous dans mon royaume. Si nous avons perdu par trahison votre noble époux, il ne faut point que vous en portiez la peine. Je vous serai toujours dévouée pour l'amour de Siegfried et de son noble enfant. Vous conserverez aussi, ô femme, toute la puissance que votre mari, cette vaillante épée, vous confia jadis. Le royaume et la couronne sont à vous. Tous les fidèles de Siegfried vous serviront volontiers. On annonça aux écuyers qu'on allait partir. Ils se hâtèrent de préparer les chevaux. La vie leur était amère près de leurs puissants ennemis. On ordonna aux femmes et aux filles de rassembler les vêtements. Comme le roi Siegmund voulait s'en retourner, la mère de Kriemhild commença de prier celle-ci de rester près de ses parents. La femme, privée de joie, répondit : Cela peut difficilement se faire. Comment pourrais-je voir sans cesse devant mes yeux celui par lequel, moi, pauvre femme, j'ai reçu tant d'afflictions ? Le jeune Giselher parla : Ma sœur chérie, par dévouement, tu resteras près de ta mère. Tu n'as nul besoin des services de ceux qui ont affligé et désolé ton âme. Tu vivras de mon bien. » Elle dit au guerrier : « Non, cela ne peut être. Il me faut mourir de douleur si je dois voir Ragne. » « J'y obvierai, ô ma sœur bien-aimée. Tu seras près de ton frère Giselher. Je te consolerai, s'il se peut, de la mort de ton époux. » L'abandonné de Dieu reprit : « Kriemhild en a bien besoin. » À l'offre si affectueuse du jeune homme, Wat, Gernot et ses fidèles parents ajoutaient leurs prières. Ils la suppliaient de rester avec eux. Parmi les hommes de Siegfried, il en était très peu qu'elle connût. « Ils vous sont tous étrangers, » dit Gernot. « Nul ne vit, si fort soit-il, qui ne doive succomber à la mort. Pensez à cela, chère sœur, et que votre âme se console. Demeurez auprès de vos amis. » Vraiment, vous vous en trouverez bien. » Elle en crut Giselher et consentit à rester. On amena les chevaux pour les hommes qui voulaient s'en retourner vers le Nibelungenland. Tout l'équipement des guerriers était attaché sur les bêtes de somme. Le seigneur Siegmund alla se placer devant Kriemhild et dit à la dame : « Les fidèles de Siegfried attendent près de leurs chevaux. Nous allons partir d'ici. Je ne veux plus rester chez les Burgondes. » Dame Kriemhild répondit : Mes amis m'ont conseillé, ceux du moins qui me sont fidèles, de demeurer ici près d'eux, vu que je n'ai point de parents dans le pays des Nibelungen. » Ce fut une grande douleur pour Siegmund quand il entendit ces mots de Kriemhild. Le roi Siegmund reprit : Ne vous laissez point dire cela. Devant ma parenté entière, vous porterez la couronne avec toute puissance, ainsi que vous l'avez faite auparavant. Vous ne pâtirez point de ce que nous avons perdu notre héros. Pour l'amour de votre petit enfant, revenez avec nous. Le laisserez-vous orphelin ? Quand votre fils grandira, il consolera votre âme affligée. En attendant, main guerrier vaillant et bon vous servira. » Elle dit : « Monseigneur Siegmund, je ne puis point partir avec vous. Quoi qu'il puisse m'en advenir, je dois demeurer ici avec mes parents qui m'aideront à pleurer. » Cette résolution commença de déplaire aux braves guerriers. Ils dirent tous ensemble : « Ah, nous pouvons bien dire que le plus grand des malheurs nous frappe maintenant, puisque vous voulez demeurer ici auprès de nos ennemis. Jamais chevaliers plus infortunés ne se rendirent à une cour. » « Partez sans crainte à la garde de Dieu, » dit-elle. « On vous donnera une bonne escorte jusqu'en votre pays, et je vous ferai bien protéger. Ô bon guerrier, je recommande à votre dévouement mon cher petit enfant. » Quand ils virent qu'elle était décidée à ne point les suivre, ils pleurèrent tous, les hommes de Siegmund. Oh, ce fut bien lamentablement que Siegmund se sépara de dame Kriemhild. Il éprouvait une grande affliction. « Malheur à cette fête maudite !» s'écria le vénérable roi. « Certes, jamais on n'offrira plus à un chef et à ses fidèles de tels divertissements. Jamais on ne nous verra plus ici chez les Burgondes. » Les guerriers de Siegfried dirent ouvertement : « Nous ferions peut-être encore le voyage vers ce pays si nous pouvions découvrir celui qui a assassiné notre maître. Il trouverait parmi les parents de Siegfried bon nombre de terribles ennemis. Sigemund embrassa Kriemhild et dit en gémissant, puisqu'elle voulait rester et qu'il le voyait bien, « Maintenant nous allons rentrer dans notre pays privés de toute joie. Je comprends seulement en ce moment toute l'étendue de ma douleur. » Ils quittèrent sans escorte Worms d'Outre-Rhin. Ils avaient la certitude que si on les attaquait par inimitié, la main des braves Nibelungen saurait bien les défendre. Ils ne demandèrent congé de personne. On vit Gernot et Giselher se diriger affectueusement vers le roi. Son malheur les affligeait. Ils le lui firent savoir, ces héros vaillants et magnanimes. Le prince Gernot parla courtoisement. « Dieu sait, du haut du ciel, que je n'ai nulle part au meurtre de Siegfried. Je n'avais jamais ouï dire qu'il eût ici un ennemi. Je veux le pleurer, et non sans motif. » Le jeune Giselher les reconduisit amicalement. Il guida sans obstacle jusque dans le Niederland le roi et ses hommes encore plongés dans la douleur. Oh, parmi leurs parents, ils en trouvèrent peu dans la joie. Ce qui leur arriva après, je ne puis vous le dire. À Worms, on entendait sans cesse les gémissements de Kriemhild, l'âme en proie à une douleur dont nul ne pouvait la consoler, si ce n'est Giselher. Il lui était bon et fidèle. Brunhild, la belle, était assise dans son outrecuidance. Quelles que fussent les plaintes de Kriemhild, elle s'en inquiétait peu. Plus jamais elle ne lui montra de confiance. Mais plus tard, Dame Kriemhild lui causa aussi des peines amères à son cœur.